Cours numéro 40. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir, babu ma ja'a fi law. Tfattal. Lianna law, yu'adharu al-naqs fi rida bil-qadar. Ahsant. Anna al-wajib ala al-mu'min, al-istislamu lil-qada'i wal-qadar. وهذه الكلمة هذه الكلمة فيها نوع اعتراض على على القدر أي le fait de dire si bien sûr dans certains cas si c'est pour se plaindre ou ne pas être d'accord عياذا بالله avec le qadar ça c'est très grave. فلهذا العلماء ils ont cité plusieurs cas qui c'est qu'ils les résument on peut les partager en deux comme فعل الشيخ سعدي رحمه الله عندما تفضل وعلى قسمين مذموم ومحمود مذموم ومحمود المذموم تفضل مذموم ويقطع الباب الشر مع الحزن والسخط ولا لا يرضى قضاء الله نعم لا بأس والمحمود تفضل نعم إذا كان هذا اللفظ من باب الخبر فلا بأس أهم شيء أن هذه الكلمة celui qui dit si لو en arabe et son قصد son intention عياذا بالله ce qui le pousse à cela c'est le fait de ne pas accepter le destin عياذا بالله toujours revenir dans le passé se plaindre على شك أن هذا أولا سامونتر أن هذا الشخص cette personne elle a des faiblesses في التوحيد لماذا لأن من التوحيد الإيمان بالقدر فالسي المؤمن il est قوي في هذا الباب et il est convaincu il n'a aucun doute أن tout ce qui s'est passé tout ce qui se passe et tout ce qui se passera فسبإذن الله عز وجل et Allah il a voulu ces choses on n'a pas à se plaindre et sans cesse revenir au passé et si on aurait fait telle chose il n'y aurait pas eu telle chose ça fait du mal à هذه العقيدة ça fait du mal à هذا الشخص عياذا بالله أما ceci من باب الخبر لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار et on a cité des autres preuves كما بيّن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقبله الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله فهذا سأنتخل pas في هذا الباب et tout ça on l'a détaillé ولله الحمد dans le درس précédent سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي ماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة في يومين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فدرت تلك الساعة بما هو كريم إلى يوم القيامة وفي رواية لأحمد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وفي المسند والسنن عن الديلمي قال أتيت بين الكعب فقلت له في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهب من قلبي فقال لو أنفقت مثل أكل ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما سواك لم يكن يبدأك وما أخطأك لم يكن يصيبك ولو مت على هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمن وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. أحسن حذيفة بن اليمان بمد الميم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر après avoir cité هذه الأبواب في ما جاء في اللو وكذلك النهي عن سب الريح والسب الدهر إلى آخره، ذكر هذا الباب هنا المناسبة لظاهرة أن من آمن بقدر الله عز وجل وقضائه فإذا سكرتد هذه الألفاظ. لماذا؟ لأنه يؤمن بالقدر. فسي سيباس اون شوز يبقى دير سي اون اوري في كذا يروي كذا، لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا ديكريتي كو سا سوا كوم سا اي سا سي باسي كوم سا. وكذلك السب، سب الريح، سب الدهر، تو سا سي من مخلوقات الله، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. نحن نؤمن بالقدر اساسا ومونتخ ان هذا الباب سان باب عظيم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم الى سيتي ان هذا القدر سي من اركان الايمان الست. والمؤلف رحمه الله الى سيتي هذا الباب القدر لو ديستا في كتاب التوحيد. المناسبة لواضحة، نقرأ كلام شيخ الفوزان حفظه الله، قال في الملخص: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر والإيمان به، ذكر المصنف ما جاء من الوعيد في إنكاره تنبيها على وجوب الإيمان به. نعم، على وجوب الإيمان به. C'est quoi le rapport entre توحيد الربوبية والقدر؟ لأن الشيخ الفوزان حفظه الله هنا قال رحمه الله أنه لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر. Donc il y a un lien entre le qadar et le tawhid. Tawhid al-rububiyya. C'est pour ça que le mu'allif il a cité هذا الباب. فالسلوي كي ne croit pas au qadar ففي الحقيقة c'est un كافر بالله عز وجل. Son tawhid il est annulé. Même s'il adore Allah سبحانه وتعالى, même s'il accomplit certaines adorations il a akhiré, c'est plus un mu'min. لماذا؟ لأنه il y a un lien entre al-qadar et le tawhid. فما هو؟ Et avec les douloureux qu'on a vus précédemment, هذا, Inch'Allah, on peut répondre, on peut comprendre. أن القدر, نعم, أن القدر مبني على أصول عظيمة. العلماء, ils appellent هذه الأمور مراتب القدر. فالقدر ما هو؟ Si on a compris c'est quoi le qadar, le lien avec Tawhid al-Rububiyya, ça sera clair. Al-Qadar, ils traduisent par le destin. Et Al-Qadar, c'est tout ce qui se passe. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera, et dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, c'est bi-ilm, wa bi-mashi'atih, wa katabahu wa khalaqah. Donc le Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, il a tout écrit, et ce qui se passe, ce qu'il a voulu, et bien sûr, il l'a créé. Alors, chaque année, al-khalq, c'est min al-rububiyya. Allah, c'est le khalq. Famin tawhid al-rububiyya, an Allah subhanahu wa ta'ala khalqa kulla shay. Allah, il a tout créé. Al-qadr, si on revient au qadr, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se passe, c'est lui qui l'a créé. Le lien, il est واضح entre al-qadr والربوبية. فالسلوي كي غني هذا القدر، et c'est là que c'est important، أن السلوي كي غني هذا القدر في الحقيقة قدح في توحيده. il a un problème في التوحيد، لأن السي il croit pas au قدر. فكي سي كي a créé ces choses، كي سي كي a voulu ces choses qui se passent، كي سي كي a décrété ces choses. سي croit pas en tout cela، voilà, je sais que c'est pas un مؤمن، et il a pas de توحيد هذا عيادا بالله. فلهذا المؤلف رحمة الله عليه إلى ستة هذا الباب هنا. والعلماء يعرفون القدر ستي تعريف مختصر، أنهم قالوا كما في شفاء العليل ودوت كتب في كتب الاعتقاد: علم الله السابق للأشياء وكتابته لها ومشيئته العام لها وخلقه وإيجاده لهذه الأمور. في هذا التعريف ابن القيم رحمه الله وغيره إذا سيتي لمراتب لنيفو لدقري دو قدر. فقال: علم الله السابق للأشياء، أي الله سبحانه وتعالى إسيتو عز وجل، et avant que ces choses elles se passent Toutes les créatures, la création de l'être humain, des cieux, de la terre, tout ce qui se passe, la nuit, le jour, l'apparent, le caché, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et il l'a toujours su, Azza wa Jal. Alors, هذه مرتبه العلم. قال وكتابته. كتابته أي tout est écrit. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, il a toujours tout su, subhanahu, et il a tout écrit, fi kitabin mubin. Tout est inscrit, tout ce qui va se passer. سيأتي معنا في الحديث حديث عبادة. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى آخره. الكتاب. Donc, من قدر الله سبحانه وتعالى, c'est qu'on a cette conviction en Allah, il sait tout. Tout ce qui se passe, c'est بعلم الله, et tout est écrit. هذا الدرس الآن qu'on fait ensemble, et ce kalam que je dis, et cette assise, فالله علمها avant que ça se passe, et cette assise, elle est écrite في كتاب. Avant qu'on soit créé. فهذا, c'est ça, القدر. كذلك قال ومشيئته العامة لها. Hey, tout ce qui se passe, c'est بمشيئة الله. Hey, Allah il l'a voulu. Enfin, tout ce qui se passe في هذا الكون, Allah il l'a voulu. Il n'y a rien qui se passe que Allah il n'a pas voulu. Et كذلك هذا c'est من توحيد الربوبية. فالله سبحانه وتعالى c'est le قوي, c'est العزيز, c'est القدير. لأن السي عياذا بالله كما يقول بعض أهل الضلال أنهم ils ont une شبهة, ils disent لكن le mal, الشر. Est-ce que Allah il a voulu le mal? فهنا قال وكتابته لها ومشيئته العام. Si on dit non, ça veut dire qu'une chose elle se passe في هذا الملك, في هذا الكون, في ملك الله, que Allah il a pas voulu. Et هذا ça implique الضعف. Ça implique une faiblesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala منزع عن هذا. La réponse c'est que Allah il a tout voulu, même le shor, même le mal. لكن الحكمة عظيمة. Et c'est du shor en apparence, là, qu'il y a une hikmah. La shak y a un khayr, l'an Allah Azza wa Jal, c'est le hakim. Donc Allah, il a tout voulu. Maintenant, cette mécréance qui se passe, et imam ou al-kafirin, iblis, et junoud, ils font du mal à l'islam, et comme une omour, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu ces choses, les hikmatin azim. L'imam, l'an Allah, il a créé l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété, il a légiféré al-jihad fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a كذلك légiféré al-tawba. Alors, chacun, si Allah il a décrété maintenant al-kufr, et le kufr c'est quelque chose de mauvais, mais les hikmati azza wa jali, il a voulu que ce kufr, cette mécréance, elle se passe, li'annahu, il y a un bien كذلك. Il n'y aurait pas de kuffar, il n'y aurait pas de jihad, il n'y aurait pas de kuffar, il n'y aurait pas beaucoup de hudud qui sont réservés aux kuffar. Ça, shar'uha, ça aurait été d'aucune utilité. Wahkada kam min umur. Hadha al-bab, il est muhim. Et le dernier point, قال وخلقه وإيجاده. كذلك, cette chose, c'est une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui se passe via le kawn, Allah, il le sait, il l'a toujours su, il l'a écrit, il l'a voulu. Et il l'a créé. C'est ça, Bab al-Qadr. Et avec هذا التفصيل, tu vois clairement le lien entre al-Qadr et Tawhid al-Rububiyyah. En résumé, Maratib al-Qadr, Cheikh Ibn Uthaymeen, il les a cités, rahmatullah alayhi, dans شرحه القول المفيد عند هذا الباب. La première martaba, le premier niveau, le premier degré, al-ilm. Et ces points, ils sont importants, les mains d'Ali. Il y en a celui qui ne croit pas en cette martaba, yadam billah, c'est très très grave. Et Allah, il a tout su. Il sait tout. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. C'est l'alim. C'est alimul ghaybi wa shahada. C'est alimul ghuyoub. Tout ce qui se passe, yadal kawn, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera, Allah, il le sait. Qala, Cheikh Ibn Uthaymeen, وذلك أن نؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا. أي تو. Les petites choses, les grandes choses, les choses apparentes, cachées. Allah sait tout. Ça c'est la première مرتبة. الثانية الكتابة. أي أن الله سبحانه وتعالى il a tout écrit. Et il a cité un dalil pour les deux premières مرتبة. العلم والكتابة. قول الله عز وجل لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير. Donc الشاهد لم تعلم أن الله يعلم. الله يسير. Et كذلك إن ذلك في كتاب. Allah il sait tout et il a tout écrit Azza wa Jalla dans un kitab. Troisième martaba al-mashi'a, la volonté. Et tout ce qui se passe c'est bi mashi'atillah. Allah il a voulu subhana. قال وهي عامة نعم أي الكونية قال ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله أي الكونية قال ومشيئته قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه si Allah il aurait pas voulu ils auraient pas fait donc ça nous montre que tout ce qui se passe c'est بمشيئة الله لماذا لأن الله عز وجل il est capable de tout. Ou illa, si on dit que telle chose Allah n'a pas voulu, ça veut dire qu'il se passe une chose qu'Allah n'a pas voulu et elle s'est quand même passée. C'est grave. Là, si Allah n'aurait pas voulu, elle ne serait pas passée. Allah il fait ce qu'il veut. Quatrième martaba et la dernière, al-khalq. Qala, fama min shay fi samawati wal ard illa Allahu khalaqahu wa khaliquhu wa malikuhu wa mudabbiruhu wa dhu sultanihi. قال تعالى الله خالق كل شيء انتهى et la même chose pour le quatrième point. قال يقول قائل est-ce que مثلا cette chose qui est mauvaise il a créé c'est Allah qui l'a créé? نعم. مثلا si on prend رأس الشر إبليس qui c'est qui l'a créé? C'est Allah. خلقتني من نار وخلقته من طين. لا شك أنه c'est Allah. Si on dit مثلا telle chose mauvaise c'est pas Allah Azza wa Jal qui l'a créé, ça veut dire qu'il y a un autre créateur. Cette chose elle est créée. Allah, chaque chose créée, c'est Allah qui l'a créée. C'est lui le seul créateur. Fahadihi al-maratib al-arba'a muhimma. Très très important pour al-mu'min de croire au qadar. Et le qadar il est fondé sur ces quatre points. Amma al-nas fi hadha al-bab fa anqasamu ila aqsam. وهذا ولله الحمد تقدم معنا كثيرا في شرح لامية كذلك في محاضرة sur القدرية والجبرية on avait détaillé هذا الباب sur les sectes en islam فهناك طائفة الجبرية الجهمية أثبتوا قدر الله وغلوا في إثباته هؤلاء الجهمية العلماء اللي يسمون الجبرية ça vient de الجبر أثبتوا القدر ils ont dit نعم أن le destin c'est حق et ils ont cru au destin au قدر لكن ils ont exagéré et parmi leur exagération في هذا الباب أنهم سلبوا العبد اختياره وقدرته ils ont dit نعم tout est écrit et ils ont exagéré ils ont dit l'être humain il n'a pas le choix vu que tout est écrit فعندهم il n'y a aucune différence entre le مؤمن الصالح العابد التقي avec le kafir, le mujrim, le mufsid. Il n'y a aucune différence. L'imada, il y en a le mu'min qui fait des efforts, le croyant qui aime le din et qui fait des efforts, et le kafir qui déteste le din et qui combat le din, عندهم, ils sont au même niveau. L'imada, il y en a, هذا, il a été forcé de faire du khayr, et هذا, il a été forcé de faire du shor. عيادن بالله. هؤلاء, c'est al-jabriya, et c'est des égarés. الطائفة الثانية القدرية المعتزلة أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة contrairement aux Jabriya ils ont dit là l'être humain il a une volonté il a le choix وهذا في الحقيقة c'est حق لكن ils ont exagéré في هذا حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة وخلق حتى ils ont dit أن العبد il fait ce qu'il veut. Et Mashi'atullah subhanahu wa ta'ala, elle prend pas le dessus sur Mashi'atul 'abd. Et كذلك ان l'être humain c'est lui qui crée ses propres œuvres. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ha'ula كذلك c'est des égarés. At-ta'ifatu al-thalitha, le troisième groupe c'est Ahlul Haqq, Ahlul Sunna wal Jama'a, alladhina jam'u bayna al-adillah. Et ça, ça nous montre أَنَّهَا أُولَا إِنْ حَرَفُوا لِمَاذَا avec سُوءُ الْقَصْدِ et avec مُجَالَسَةُ الْأَشْرَارِ et avec الْهَوَى إِلَىٰ آخِرِ مِنْ أَسْبَابِ انْحِرَافِهِمْ أَنَّهُمْ ils ont pris qu'une partie des preuves des adillas. فَالْجَبْرِيَّ أَخَدُوا أَدِلَّةَ الْقَدَرِ ils ont délaissé أَدِلَّةُ الْمَشِيئَةِ إِلَىٰ آخِرِ لِلْعَبْدِ et الْقَدَرِيَّ ils ont pris أَدِلَّةَ الْمَشِيئَةِ إِلَىٰ آخِرِ et ils ont délaissé أَدِلَّةَ الْقَدَرِ انحرفوا أهل السنة جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير من الله فآمنوا بقضاء الله وقدره وبأن للعبد اختيار وقدرة. أهل السنة يقولون أن tout est écrit, tout est décrété من الله سبحانه وتعالى et العبد إلى الشوق. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui veut pas croire, il croit pas. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Ça, ça montre أن للعبد مشيئة لكن لا شك أن tout ce qui se passe c'est بمشيئة الله. فسي الله يبغى cette chose elle se passera. S'il veut pas, فça se passera pas. هذا الكلام باختصار من القول المفيد للإمام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. هذا بعض الكلام في القدر. On a résumé des points importants في القدر. La définition, المراتب, les niveaux, les différents degrés et أقسام الناس. Ceux qui se sont égarés في هذا الباب قول أهل السنة أهل الحق. فسي tu as compris هذه المسائل إن شاء الله تعالى tu comprendras هذا الباب plus simplement. Et on a déjà détaillé ces مسائل كثيرا. Et في الحقيقة هذا الباب طالب العلم il l'étudie en détail في كتب العقيدة. فما من كتاب من كتب الاعتقاد دي سافوندو السنة وإلا فهذا الباب المذكور باب القدر. لماذا؟ لأن العقيدة c'est l'explication des six fondements de la foi. C'est ça العقيدة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. C'est ça الإيمان. فالعلماء في كتب الاعتقاد ils expliquent c'est les six pillars de la foi. الإيمان بالله et ils détaillent الأسماء والصفات إلى آخره. Et ma yata'allaq bil malaika wal kutub wal rusul wal yawm al akhir, et détail min al qabr, ay la tombe jusqu'à la résurrection, les comptes il a akhir, et bab al qadr. Fama min kitab min kutub al aqida illa wa al ulama, ils ont cité hadha al bab. Celui qui veut les détails, approfondir ce sujet, fa fi kutub al aqid. Et ce sujet il est très très important, lakin la bud min tanbih an hadha al bab كثير من الناس انحرفوا وكثير من الناس ils ont des choubes. لماذا؟ لأنهم ils ont pas étudié هذا الباب أي le destin comme السلف أو selon la compréhension des سلف. فلهذا هذا الباب لا بد من استسلام. Se poser trop de questions c'est une porte d'égarement. لأن القدر سر الله سبحانه وتعالى كما يقول أهل العلم. Il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Enfin, on doit s'arrêter où les salafis se sont arrêtés. Mais se poser trop de questions, ça va provoquer des doutes. Thumma, des questions. Et des questions, tu n'auras pas de réponse. Les anna, certains points, ou rentrer dans les détails, c'est min ilm al-ghayb. Et كذلك ما كلفنا بهذا, personne nous a imposé هذا. Les salafs, ils étaient a'lam wa ahras minna pour le khayr. Et ils n'ont jamais exagéré via Al-Bab. Al-Muwaffaq, c'est celui qui sait s'arrêter, où qu'il faut s'arrêter. Tu comprends la définition, tu comprends les maratib, tu comprends ceux qui se sont égarés via Al-Bab, et tu tawakkal ala Allah. Et tu sais que tout est écrit et fait du khayr. L'anna mina shubha, et c'est une shubha très très grave. Anna al-ba'd yaqulun, si tout est écrit, si tout est destiné, Allah il a tout décrété. فلماذا لماذا je délaisserai هذا الشر ou لماذا je ferai الخير. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a répondu à هذا. Ça arrive de se poser cette question, lakin exagérer et ne pas écouter les conseils de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses suiveurs min as-sahaba wa ahli al-ilm, ça ouvre un bab d'égarement. Mais celui qui se pose cette question, il prend la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah." I'mal. Et sache que ce amal c'est bi qadarillah. Fa fais du khayr, et dès que tu as fait le khayr, alhamdulillah, tu seras convaincu que c'est min al-qadar, il y en a tu l'as fait. Et vu que tu l'as fait, c'est que c'était destiné, donc c'est min al-qadar. Écarte-toi du char. Et le fait que tu t'es écarté de ce char, c'est min qadarillah. Et t'artah. Mais le ba'd al-shaytan yal'ab bihim Peut-être qu'ils vont faire une marsiya, un péché pour se rassurer. De toute façon, si c'est écrit, enfin, j'avais pas le choix, c'est min al-qadr. Est-ce que hadil hujjal sera utile yawm al-qiyamah? Abadan. Ça sera d'aucune utilité. Li anna yawm al-qiyamah kadhalik c'est bi qadarillah. Kadhalik on sera jugé bi qadarillah. Kadhalik celui qui rentrera fil jannah, c'est bi qadarillah. Et celui qui rentrera fil nar, c'est bi qadarillah. Enfin, est-ce que ça sera utile? C'est d'aucune utilité. فلهذا الإنسان يفعل العلماء يذكرون أن vu que ce qui va se passer dans le futur, c'est-à-dire dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 1 an, dans on sait pas, نحن c'est من علم الغيب pour nous. Donc on peut pas prendre comme حجة une chose qu'on ne sait pas. لأن البعض مثلا ils veulent faire une معصية ثم يقول لك de toute façon c'est le qadar. Ma yudri. Peut-être que tu vas mourir, peut-être que tu vas pas la faire, cette marsiya, ce péché. Falihada, l'insan, il s'écarte de ce jour-là et il fait du khayr. Et on a détaillé hada, kathiran vi kutub al-aqidah qu'on avait fait à l'époque. Wa min ahsan man allava vi hadi al-masail fi hada al-bab al-azim, al-imam ibn al-qayyim rahimahullah. Shifa'ul alim. C'est un livre qui a été imprimé en 4 volumes et il a détaillé هذه المسائل et il répond à toutes ces choubas. Enfin, celui qui veut les détails va kitab Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wa hakada Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi kitabih an-Nafis at-Tadmuriyya il a détaillé هذا الباب. Tadmuriyya il a divisé en deux al-kitab. Ma yata'allaq bi as-sifat et après à la fin al-qadr. Al-shar' wa al-qadr. Il a détaillé هذه المسائل. لكن هذه الكتب ربما لا يفشك أنها سبيت كومبليكي pour كثير من إخواننا لكن شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لا سامبليفي هذه المسائل في تقريب التدمورية أي لا ديتايي تخي سامبلمون هذا الباب عليه رحمة الله. كذلك من الكتب النفيسة في هذا الباب الجامع الصحيح في القدر للإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله مقدمة نفيسة في القدر إلى ديتايي هذه المراتب إلى آخره ثم إلى سيتي طول أحاديث صحيحة في هذا الباب فسامرجع طيب في القدر. قال المؤلف رحمه الله قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. C'est une partie de حديث عمر que l'imam النووي رحمه الله il a cité et que vous avez appris ولله الحمد. Et quand Jibril il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé des questions mal iman mal islam ila akhir. Et l'imam Muslim rahimahullah fi sahih quand il a cité هذا الحديث, il a cité al-qissa. Pourquoi Ibn Omar il a rapporté ce hadith? Il y a deux hommes ils sont venus pour faire le Hajj ou l'Umrah et ils ont rencontré Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, sahabi al-jalil. Et ils lui ont posé une question sur un homme fil Irak, وهو معبد الجهني الزنديق. Et ils ont demandé à Ibn Omar أن هذا الرجل يبخباج أنه لا قدر أن الأمر أنف عيادا بالله هؤلاء القدرية. C'est les premiers à l'époque d'Ibn Omar. Ils ont rejeté les quatre maratib حتى العلم. Et tout ce qui se passe, Allah, il ne sait pas. Il ne sait pas tant que la chose, elle ne s'est pas passée. Ayyadun billah. Ta'anun fi rabbil alamin. Wa tiham al-rab azzawajal bil jahl. L'anna, si c'est pas tant que la chose, elle ne s'est pas passée, c'est qu'avant, c'était de l'ignorance. Ayyadun billah. Exactement comme l'être humain, t'as, tu sais pas. Personne sait d'entre nous qu'est-ce qui va se passer dans 5 minutes, dans 1 heure, on ne sait pas. Une fois que ça sera passé, l'âme. Matalan, il y a 5 minutes, on sait ce qui s'est passé ici, on faisait le dors, il a akhiré. Fahum qalu fi haqqillah, exactement la même chose, iyadun billah. Ha'oula, c'est les premiers, la première génération de Al-Qadariya, et c'est des kuffar bil ijma'. Ibn Omar kaffarahum, C'est pour ça que قال والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله منه حتى يؤمن بالقضاء. ولا شك أن هذا سحال الكفار أن الله لا يتقبل منهم. أما المؤمن ما مسل إلا دمعاصي سيف عملي لخالص لله عز وجل صنفر دو بدع الله سبحانه وتعالى نكسب سو عمل. هذا سمنطخ أن هؤلاء سدي كفر. والعلماء نبهوا منهم ابن تيمية وكذلك الإمام النووي عليهم رحمة الله أن هؤلاء ils étaient à l'époque et avec le temps ils ont disparu. أي un groupe qui dit que qui rejette complètement le qadar حتى العلم والكتابة. لماذا؟ لأن الأدلة واضحة. لا شك أن celui qui a cette aqida c'est pas un musulman. لكن ce groupe il a disparu. بقي من القدرية المعتزلة. Al-Mu'tazila, qui sont propagés sous différents noms, bien sûr. Lakin, ils ont cette aqida, an al-shur, c'est pas min khalqillah, azza wa jal. Ou an Allah ma arad al-shur. Et an al-abd, c'est lui qui fait ses propres amels. Ha'oula, kadhalik, c'est des dhullah al-munharifoun. Et là, on avait cité hada fi sharh al-arba'in al-nawawiyya, عند al-hadith. المهم ce qui nous intéresse هنا أكثر c'est مناسبة الأثر للباب. قال العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله بيان فيه بيان حكم منكر القدر. باب المؤلف رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر celui qui rejette le قدر. فcelui qui rejette le قدر complètement جملة وتفصيل avec ses quatre مراتب أي أن الله il sait pas ce qui va se passer. En Allah, il n'a pas écrit tout ce qui se passe. En Allah, Azza wa Jal, il n'a pas voulu ces choses et il ne les a pas créées. Fala shak, hada c'est un kafir, billah subhanahu. Wa qala, rahimahullah, wa an Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, annahu qala libnihi, ya bunay, innaka lan tajid ta'am al-iman hatta ta'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak. وما أخطأك لم يكن ليصيبك أي ما أصابك tout ce qui te touche من خير ومن شر فسي الله إلا décrété pour toi فلا بد تو cette chose لم يكن ليخطئك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشيء إلا قدر إلا décidé إلا décrété. فمثلا سي الله إلا قدر أن فلان يدوى tomber malade فهي tombera malade. Même s'il fait ce qu'il veut comme asbab, il tombera malade. لأن الله أراد هذا الشيء. لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذا القدر c'est من علم الغيب. On ne sait pas نحن. مثلا on ne sait pas est-ce qu'on va tomber malade dans une semaine, dans deux jours. الله أعلم. فلهذا نحن on doit faire l'asbab. Et ça nous montre le lien entre l'asbab et le qadar. لأن من الشبهات في هذا الباب كما تقدم أن البعض يقولون si tout est écrit, enfin, pourquoi faire les esbab, vu que tout est écrit? Ça ne changera rien. Là, ce n'est pas comme ça qu'il faut analyser la chose. Là, les anasimin ilm al-ghayb, nous, on ne sait pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné, c'est le hakim. Il a tout décrété et il nous a ordonné de faire. Ça, on fait. Et celui qui a une bonne niya, inshallah, il sera à la khair. Amma, délaisser l'amal, délaisser l'ilm, délaisser l'esbab en prétextant, en prétendant que tout est écrit, فهذا c'est من الجهل عيادا بالله. قال وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كذلك si Allah il a décrété que telle chose elle ne te touchera pas, مثلا de l'argent ou مثلا ما أدري un bien parmi les biens, Allah il a décidé que tu n'auras pas cette chose, enfin tu ne l'auras pas. Voilà où tu fais ce que tu veux. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى il a tout décrété. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال ربي ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الله سبحانه وتعالى il a créé هذا القلم et cette plume qui va écrire بإذن الله عز وجل. أكتب il lui a ordonné d'écrire. فالقلم il a répondu ربي ماذا أكتب؟ qu'est-ce que je dois écrire؟ قال عز وجل اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. لا شك أن هذه الكتابة مبنية على علم Allah il a ordonné à ce qalam d'écrire tout ce qui va se passer. Et Allah il savait et il sait, subhanahu wa ta'ala, tout ce qui va se passer. Et il a ordonné هذا القلم بالكتاب. ثم قال عوادة رضي الله عنه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. الحديث il est sahih. قال في الحاشية أخرجه أبو داود. Et on précise هنا أن الإمام الألباني رحمه الله صححه كما في تحقيق شرح الطحاوية وكذلك الإمام الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح في القدر. فهذا الحديث إلى الصحيح. وفيه كذلك الاهتمام بالأولاد. قال عبادة رضي الله عنه أنه قال لابنه أو عن عبادة أنه قال لابنه فصابوا مدخلنا هذا الأب الصالح صحابي جليل اهتم بهذا الأمور. Il a donné de l'importance à ce sujet et il a conseillé son enfant. Ya bunay innaka lan tajid ta'm al-iman. Il lui a démontré qu'il aussi veut goûter à la saveur. L'iman, il a un goût. S'il veut goûter à hada ta'm, il doit donner de l'importance au qadar. Et il doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Il a tout décrété. Et celui qui a cette aqida, c'est pour ça que le sahaba radiyallahu anhum, ils conseillent leurs enfants bihada. Minhum Ubada radiyallahu an. Celui qui a cette aqida, ça va lui ouvrir les portes. Fi dinihi wa fi dunya. Limada li anna celui qui est qawi bihada al-bab, il va patienter kathiran. Il va faire des efforts kathiran. Et il va arrêter de se lamenter, de se rabaisser, de toujours regarder les autres, de toujours regarder mais, si. Abadan. لأنه إلى هذا الإيمان. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أي لن تجد طمأنينة الإيمان وراحته وذوقه إلا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فتأمل أنت سي ونغيب حقق هذه العقيدة ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. Si on est qawi via dalbab, tout ce qui se passe, tout ce qui te touche, tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété. Enfin, au lieu de se plaindre, de se lamenter, de se rabaisser, de trouver des coupables, il a akhiré, tu sais que c'est biqadarillah, awwalan. Ça va te permettre de te reposer. Ça va te permettre d'avancer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu et c'est passé. Et vous voyez le lien avec Bab Law. En al-Qadr, ça ferme cette porte que Shaitan il essaye d'ouvrir. Qala, wa ma akhta'ak lam yakun li yusibak. Et si une chose, tu n'as pas pu la voir, matalan de l'argent, matalan quelque chose min umur ad-dunya, tu n'as pas réussi, tu voulais cette chose, et qadar Allah, tu ne l'as pas eu. Tu as cette aqida. En Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a décidé. Et t'artèche, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au qalam de l'écrire avant la création des cieux et de la terre. En tant que tu n'étais rien. Et c'était déjà écrit que telle chose n'allait pas là-bas. Fait t'artèche. Tu dis alhamdulillah. Et husnudhan billah. En Allah subhanahu wa ta'ala, il veut ton bien. Tu es un de ses serviteurs. Et Allah, s'il n'a pas qu'attard, il y a un khayr pour toi. Et tu avances. قال الشيخ رحمه الله وهذا هو الإيمان بالقدر فإذا آمن بهذا انشرح قلبه وعمل بما شرع الله له. C'est ça l'Iman بالقدر. وهذا سنموت يا جماعة أن هذه العقيدة ستوابيتون عقيدة qu'on lit dans les livres فقط. ثم dans notre vie on vit pas avec cette عقيدة et on la laisse dans les كتب. Ça reste de la théorie. أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسوله. شك مؤمن ربما يكون cette partie du hadith, il connaît أركان الإيمان الست. La plupart des مؤمنين إلا النادر من العوام peut-être وإلا فكثير من المؤمنين يكونون هذا. لكن l'application dans la vie de tous les jours, الإيمان بالله, donc tu dois observer les ordres, tu dois obéir, tu dois t'écarter des interdits, tu dois pas critiquer le dîn, tu dois accepter son char. إلا آخره. L'iman bil malaika, tu dois faire attention à ce que tu fais. Il y en a, t'as ce iman, من الملائكة certains ils écrivent toutes tes œuvres il a akhir كذلك يا ملك c'est ملك الموت. Donc tu dois faire attention, à tout moment il peut venir, reprendre ton âme. Al-Shak, ça va changer ta vie. Al-Iman bi al-Kutub. On n'a pas besoin autre pour légiférer. Allah, il a révélé des livres. Pourquoi ? Pour nous, pour les êtres humains. Enfin, pourquoi chercher ailleurs ? Que ce soit la démocratie ou autre l'Iman. Kadhalik al-Iman bi al-Rusul. On a des modèles. Pourquoi Allah il les a envoyés ? Pour être suivis. Donc on doit les suivre. Al-Iman bil yawm al-akhir, on doit se préparer. Amma prétendre avoir cette aqida, ou le prononcer, thumma al-insan, il fait des efforts, qui fait dunya, et sa vie de tous les jours, elle montre qu'il a oublié al-yawm al-akhir, et ça commence après la mort. Hada al-haqiqa, c'est une contradiction. Al-Iman bil qadar, et c'est notre bab. Si on a vraiment cette aqida, s'il se passe quelque chose, on ne perd pas nos moyens. On perd un proche, c'est bi qadarillah. On perd notre travail, c'est bi qadarillah. Et on fait des efforts. Et vous allez voir que la vie du mu'min, si elle est basée sur ces six piliers de la foi, sur l'aqidah, vous verrez que ça sera une autre vie, contrairement à ce qu'on voit كثيراً اليوم. Et as-sahaba radiyallahu anhum, haqqaqou hadhihi al-arkan, as-sit. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nasarahum. Tellement qu'ils ont fait des efforts via dal-bab, hatta leurs enfants. Maminna al-an, il conseille son enfant sur le qadar. Qui? Illa man rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Qui conseille son enfant? Yawmin al-ayyam, ya bunay, assieds-toi et je vais te donner un conseil et tu lui parles du qadar. Et l'enfant, khasatan, s'il comprend, bien sûr, à un certain âge, mais quand il est trop petit, il comprendra pas. Là, qu'il arrive à un âge, il commence à comprendre et ça va rentrer dans son cœur. Et l'enfant, quand une chose elle rentre dans son cœur, si c'est du bien, il en profitera beaucoup. Si c'est du mal, ça lui fera beaucoup de mal. Ça reste ce que tu as appris quand tu étais petit. Et là, yasha Allah, celui qui fait tawba et Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqou. Lakin la shak, il y a un athar dans beaucoup de choses. Fata'ammalu hada al-hadith. Uwada radiyallahu anhu, il conseille son enfant fi hada, sur ce sujet. C'est un sujet azim. Ça nous montre anna hada al-bab. هذا الباب il est négligé كثيرا. C'est pour ça que tu trouves l'un des générations qui ont été élevées, éduquées sur dunya, sur faqat la recherche des profits de cette dunya, et ce bab du qadar il est négligé كثيرا. Peut-être une petite chose, une petite chose, il a perdu son travail. L'haqiqa c'est sale. Alhamdulillah, tu as perdu ton travail, c'est rien de dramatique. Le travail, il y en a, peut-être que c'est un khayr, peut-être que tu vas trouver mieux. Waouh, hakada. Bel Wardenas, ils font des efforts pour quitter leur travail, pour trouver un autre. Ça arrive. Wardenas, ils font des efforts pour arrêter leur travail, ils veulent plus travailler, ils sont fatigués. Mais vichy, ça reste du travail. Wardenas, à cause de cela, c'est min qadarillah, au lieu de dire qadar Allah, wa ma sha'a fa'al, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, afdal wa ahsan wa anfa' min hadha al-amal. Ils mettent fin à leur jour. Iyadam billah. À cause d'un travail. Pourquoi? Les anna hada al-bab. Hada al-bab. Man haqqaqahu. Fabi idnillahi azza wa jalli sera fi raha. Et on a déjà lu, ma'abad, al-ikhwan, les thamarat que Cheikh Muqbil il a cité dans son livre, al-jami' al-sahih. Fil qadar, fil muqaddima, il a cité des points bénéfiques d'iddan. Thamarat, et les fruits, celui qui a cette aqida, ça va lui donner des fruits. Et des choses, il va profiter. Comme tu profites d'un tas des fruits, des boissons, de la nourriture, tu vas profiter min hadhihi al-aqida a'zam naf'a. Et il les a cités parmi ces fruits, at-tuma'nina. Comme il a cité Cheikh Ibn Baz. Wal-raha. Et la patience. Et ce qu'il se passe, tu as perdu un enfant, c'est difficile. Lakin celui qui a haqqaq hadha al-bab, ça sera beaucoup plus simple pour lui. Ce qui va être triste. Et cette tristesse c'est min al-qadar. Et on est des êtres humains, il va pleurer. Ma vichy, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a pleuré. Lakin kama yaf'al al-ba'd. Ba'dhum wallah, ils ont perdu leur enfant tellement qu'ils n'ont pas accepté le qadar, ils ont dit du kufr avec leur bouche. Awwalan. Du kufr. Et ils n'ont pas accepté et de la rébellion. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a qadar. Tu te rebelles contre qui? Tu n'es pas d'accord avec qui? ثم tous les jours il pense, il repense pourquoi il a akhri hatta ba'dhum il tombe malade ou il meurt de tristesse. Hada c'est un wa'f kabir. Est-ce que le enfant il est revenu là? L'enfant il est mort, il est mort. Tous ces points qu'on cite c'est basé sur hada al-iman al-azim. Qala Cheikh Ibn Baz rahimahullah fa idha amana bihadha sharaha qalbuhu wa 'amila bima shara'a Allah lahu wa ya'khudh bil asbab. Et ça c'est un tambih important. On a ne pas comprendre anna al-insan yatawakkal kama yaz'umu al-ba'd annahum yatawakkalun fi al-haqiqa c'est pas du tawakkul. Et yaqulun tout est écrit et ils font pas d'effort là. Cette aqida avec l'asbab, il y a aucune contradiction. Tu fais l'asbab. Quand tu as fait le sabab, tu as fait la cause et ce qu'il se passe, maintenant tu as réussi à avoir cette chose ou tu n'as pas réussi, c'est bil qadar et tu avances. Qala وهو مطمئن القلب لأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له راحة وطمأنينة. لأن يسي مثلا tu veux telle voiture ou telle maison, tu fais les efforts, tu travailles إلى آخره, ثم au dernier moment مثلا il la vend à un autre ou il la vend plus ou tu n'as plus l'argent, il t'est arrivé quelque chose, t'as dû dépenser l'argent. Allah, tu n'as pas cette maison ou cette voiture. Si tu as cette aqidah, c'est min ashal al-umur. Alhamdulillah. Ça sera la prochaine fois. Allah, il a qadar que je ne l'aurai pas maintenant. Même si tu n'es pas d'accord, même si. Qu'est-ce que ça va changer, l'aqidah? Ça ne va rien changer. Al-shaytan, il a ouvert hada al-bab. Et la principale cause, c'est le jahl. Et kadhalik, le fait de s'éloigner de cette aqidah et de penser qu'à dunya. Et on a un exemple. في هذا الصحابي الجليل qui a conseillé son enfant et ta'ammalou. Le conseil il est fondé sur quoi? Le conseil il est fondé sur قول النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit à son fils سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il lui a cité le premier hadith إن أول ما خلق الله القلم إلى آخره. ثم deuxième hadith سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. نصيحة. Ça nous montre que nos conseils, awalan, ça doit être mukhtasar, pas des conseils des heures. Il y en a l'enfant, il n'est pas prêt pour cela. Un enfant, ta'alamoun, anna hu, il veut jouer, anna hu, il veut. Fakhtasar al-kalam. Ta'amal le conseil de Ubad en quelques phrases. Si tu viens prononcer son conseil, un à ton enfant, le même que Ubad, peut-être qu'en 30 secondes, en 40 secondes, c'est fini. Lakin kalam mouvid. Et kadalik, le conseil doit être fondé sur l'ilm. Pas sur les passions, sur la colère. Sur des preuves et tu simplifies à ton enfant. Il y en a les enfants, ils ne sont pas tous au même niveau, pardon, ils ont besoin de détails, d'explications. Mouhim, tu le conseilles. Et kadhalik, ça n'implique pas que l'enfant il était petit. Allahu alam, il faudrait voir le asl de ce athar. Et tarikh, quel âge il avait Ubada, quel âge il avait son fils. Hada, ça nous montre kadhalik. Les conseils, ce n'est pas que pour l'enfant quand il est petit, là, où il est grand. عند المسلمين on n'a pas فكر الكفار انه arrive à 18 ans خلاص il est majeur vacciné il fait ce qu'il veut احذروا من هذا الفكر عند المؤمنين ولو l'enfant il a 50 60 ans et son père il est encore vivant ينصح et il accepte le conseil de son père et son père il peut le corriger avec le كلام يؤدبه même s'il a un âge avancé même s'il est marié même s'il a des enfants كذلك نستفيد من هذا. Anna, le conseil, c'est pas que pour l'enfant. Ce conseil, tu peux le faire kadhalik à tes parents, à ton frère, à un ami. Al-muhim, an-nasiha fiha khayr. Qala, rahimahullah, wa fi riwayatin li Ahmad, inna awwal ma khalaqa Allahu ta'ala al-qalam, fa qala lahu ktub, fa jara fi tilka as-sa'a bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. Qala fi al-hashiya rawahu Ahmad, wa ibn Abi Asim, wa hassanahu al-imam al-albani, fi dhilal al-jannah. Dhilal al-Jannah, c'est le tahqiq de As-Sunnah ibn Abi Asim, rahmatullah alayhi. Cheikh al-Albani, khadama hada al-kitab, il l'a haqqaq. Qal wa fi riwayatin l'ibni Wahb, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faman lam yu'min bil qadar khayrihi wa sharrihi, ahraqahu Allahu bin nar. Hadihi al-riwaya, al-muhaqqiq dans notre kitab, ma dhakara shay'an, lakin... صححها الإمام الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم دونك هذه كذلك صححها الإمام الألباني. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فالديلمي على هذا ستابعي والذي أذكر أن البعض يقولون أن له صحبة لكن والله أعلم الذي أذكر ستابعي من كبار التابعين قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي ça ça nous montre que ça peut arriver إشكال خاصة في البداية quand l'insan يدرس et tu te poses certaines questions أولا كما قلنا لا تفتح الباب كم من انحراس venu à cause des questions خاصة في هذا الباب العظيم تأملوا موقف هذا التابعي ابن الديلمي رحمه الله أنه il est parti demander à Ubay ibn Ka'b min ulama al-sahaba radiyallahu anhu si ça arrive à quelqu'un fa pose ta question anna fi qalbi shay fi al-qadar j'ai pas compris telle chose et tu retasses le kalam et la réponse que le cheikh il te donne tu l'apprends et en général ça sera autour de cette ma'na que Ubay ibn Ka'b il a cité en se basant sur le hadith et anna tout est écrit fais des efforts fais al-asbab et husn al-dhann billah c'est ça le résumé fais du bien tu seras à la khair tu seras fil jannah bil qadr tu profiteras fil jannah éternellement c'est ça l'essentiel amma qu'est-ce qu'on va gagner de ces shouba iyadun billah si واحد من هؤلاء rentre fil nar et avec ces shouba qu'est-ce qu'il va gagner il sera châtié qu'il est d'accord ou pas avec le qadr s'il est d'accord son châtiment c'est min qadr illah s'il n'est pas d'accord son châtiment c'est min qadr illah ça ne changera rien ça nous montre ça peut arriver là qu'on fait attention de ne pas faire comme certains que ces sujets et qu'annahu il va trouver une réponse ya akhi la tut'ib nafsak as-salaf ils ont lakhas hadhihi al-mas'ala des choses min umur al-ghayb on pourra pas comprendre istaslim lillah azza wa jalla soumets-toi et adore Allah subhanahu est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire des efforts pour comprendre tout ce qu'il y a au qadr abadan des choses tu n'arriveras pas à comprendre Allah subhanahu wa ta'ala amrak bil ibada fais des efforts fil ibada tu verras que qalbuk sayatma'in et inshaAllah tu t'écarteras de hada qala fa hadithni bi shay la'alla Allah yudhhibuhu min qalbi tastafid min hada kadhalika quand tu demandes une nasiha qui est fondée sur dalil pas sur ce qu'on veut nous ou le hawa البعض يدمون دان كونساي يفو كو لو كونساي سو ان اكور افيك سو كيل بونس او لا سي با كوم سا تو دمون دان كونساي كي فوندي سور ان دليل حدثني اي ان حديث دو بروفيت عليه الصلاه والسلام اما البعض يبوز اون كيستيون او يدمون اون نصيحه في كو سا فا با دان لور سونس ان اوتر شيخ او ان اوتر فرير سا فا با دان لور سونس اي فول اون ريبونس انتر لي دو بروميير ان ترويزيم حتى ايزون سكي فول ثم si cette personne allait conseiller ya akhi délaisse hada ou fait hada la lakin j'ai demandé à un tel ça c'est min al-hawa Allah subhanahu wa ta'ala il voit il sait tout et il entend tout l'insan al-ikhlas tu demandes un conseil bidalil et une fois que tu as le dalil c'est pas min manhaj al-salaf de poser la question à 5, 6 limada ça sert à quoi là si tu es convaincu et t'as cité le dalil falhamdulillah. Et en général, si tu poses la question à un savant de la sunna, ça te suffira. Même à poser la question à un jahil, et la réponse n'est pas complète, tu devras poser un deuxième. Adala yambari, pose pas la question à Haoula, aslan. Qala fa hadithni bi shay'in la'alla Allah yudhhibuhu min qalbi, fa qala law anfaqta mithla uhudin dhahaba, ma qabilahu Allahu mink hatta tu'mina bil qadr, wa ta'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak. وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فسألوا موضح أن قول ابن عمر في القدرية quand il a répondu aux deux hommes qui lui ont posé la question لو أنفق مثل أحد ذهب إلى آخر ما قبل الله منه c'est fondé sur هذا الحديث وهذا الحديث إلى صحيح حسنه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند وهكذا قال هنا في الحاشية رواه أبو داود وأحمد بن ماجه وابن أبي عاصم وصححه الإمام الألباني في ظلال الجنة. فالحديث ليس صحيح. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. تستفيد من هذا إن فائدة عظيمة أن si on suit الحجة on suit الدليل, même si on pose la question à plusieurs ça sera la même réponse. Si on suit الحجة et الدليل القرآن والسنة ça va nous rassembler. الصحابة رضي الله عنهم tous la même position في هذا الباب العظيم القدر. Pourquoi? C'est quoi qui les a rassemblés? C'est ce hadith. Et bien sûr, des versets من القرآن الكريم et des autres adil. هذا تستفيد من أن ce qui nous divise et ce qui a divisé chaque peuple qui s'est divisé, c'est مخالفت الرسول عليه الصلاة والسلام. Que ce soit notre umma ou les autres umma. قال حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه وهذا وهم من المؤلف رحمه الله فالحديث نعم لم يخرجه الحاكم رحمه الله ذكر هذا المحقق pardon cette نسخه محقق نسخه que certains frères ont ان هذا وهم اي قول الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رواه الحاكم et en revenant au livre de l'Hakim فهذا الحديث il est pas موجود. هذا وهم منه. قال الشيخ سعدي رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان وهذه الأركان من أنكرها أو أنكر واحدا منها يكفر بالإجماع. Celui qui rejette, qui ne croit pas en ces six piliers, c'est un kafir. Et كذلك celui qui rejette un de ces piliers. فمثلا celui qui croit pas au qadar جملة وتفصيلا comme les premiers qadariyas qui sont apparus, فهذا c'est un kafir. Celui qui croit pas au livre, c'est un kafir. Celui qui croit pas aux anges, c'est un kafir. وهكذا. Ces six fondements, ils sont très très importants. قال وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما أمن بالله حقيقة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أي tout ce que Allah il veut enfin, ça se passe et s'il ne veut pas une chose ça se passe pas et on détaillera pas هنا المشيئة أو plutôt الإرادة الكونية c'est le مشيئة والإرادة الشرعية هذا سيعرضه إن شاء الله dans d'autres livres. قال فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر. On les a cités. Qui c'est qui les résume? الأولى. الأولى. العلم. الثانية. المشيئة. قبل ذلك on a cité. الكتابة. ثم. المشيئة. ثم الخلق. سهل في الحقيقة. Donc tu les connais. Les quatre, الأمر سهل. لكن l'ordre que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité. قال فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر فنؤمن أن الله بكل شيء عليم وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. Ça c'est les deux premiers degrés. وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره. نعم. ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون. Ça, ça nous montre أن العبد لا une إرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Ça, ça nous montre أن العبد لا une إرادة لكن la volonté du serviteur elle est sous la volonté d'Allah سبحانه. قال بل جعلهم مختارين لطاعتهم ومعاصيهم لأن قول الجبرية qui disent que l'insan il est forcé عيدا بالله. C'est ça le jabr, c'est que tu es forcé, tu n'as pas le choix. هذا c'est très très grave. لأن الله عز وجل il va châtier certains de ses serviteurs الكفار والمنافقون والمشركون il va les châtier في نار جهنم. فسي عيادا بالله واحد إلى cette عقيدة أنهم ils ont été forcés et ils ont fait ils n'avaient pas de volonté. هذا pourquoi les châtier? هذا c'est من الظلم والله سبحانه وتعالى منزع عن الظلم. ça nous montre أن الإنسان الله سبحانه وتعالى il a créé et il a le choix. Et هذا c'est le واقع. أنت الآن est-ce que tu sais qu'est-ce qui va se passer مثلا في وقت المغرب? Tu sais pas. Est-ce que tu vas faire salatam la Allahu alam. Lakin tu as l'intention, tu vas faire les efforts, tu vas faire l'auto, tu vas te déplacer au masjid pour les hommes et tu vas commencer la salat. Et en fait, ce mythal, il te résume le qadr. Tu ne sais pas ce qui se passe et tu fais l'effort. Et bien, idnillah, Allah va te wafak, tu vas faire la salat. Il se peut que tu meurs avant, il se peut qu'il t'arrive quelque chose. Nassallah al-Aviyah al-Muhim. Amma, imagine un tawahid. Il rentre dans la pièce, on parle du qadr, et il nous fait Anna, je ne vais pas aller, je ne fais pas salat avec vous. Et on lui dit les malades. Et Yaqoul, mazalan. Et il nous répond le qadr. On va lui dire ittaqillah fi nafsik. Est-ce que tu sais qu'est-ce que Allah il a qadr? Il va dire là, il va nous dire là, enfin on va lui dire écarte-toi de ces wasawis de shaitan, aie une bonne intention, fais les efforts, fais l'odo. Et quand on va au masjid, viens avec nous et tu verras que tu feras salat avec nous. Dès qu'on aura fini salat, ce qu'on a fait, ça sera min al-qadr. Mais la délaisser, tout le monde prétend que c'est le qadr, c'est Iyadam Billah, ça contredit notre din et l'aql, l'aql al-salim. Wa nas'alullah al-salam. Hadha al-bab, il est très très important. Cheikh al-Islam, il l'a cité pour démontrer que chaque mouahid doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et faire des efforts, faire des asbab. Et inshallah, la suite, le prochain bab dans un prochain dors, mardi, bi'idnillah. نكتفي بهذا القدر et le dors sur le mariage inshallah on le fera mardi. On a bientôt fini kitab tawhid, on est au bab 60, il reste 6 bab. ما جاء في المصورون, هذا ça demande شيء من التفصيل. On le fera un cours comme le cours d'aujourd'hui inshallah. ثم un autre cours pour faire les 3 ou les 4 babs qui suivent. Thumma, un cours pour les 2 derniers. Si on peut, là, à peu près 3 cours. Donc, si on fait, inshallah mardi et jeudi, la semaine prochaine, on aura fini. Pas réviser. Réviser. Il y en a l'abwab kathira. On est au 60e, il y a 66 chapitres. Le masail kathira, il y a beaucoup de points, des temps faciles à connaître. Et nous, walillah alhamd, ensemble, on n'a pas détaillé. C'était pas le but. Il y en a le tafsir Cheikh Saadi, c'est pour les débutants. Et on a rajouté des choses pour éclaircir. Et ça reste très simple. On va réviser. Hadihi al-abwab. Kadhalik al-hifd. Walillah alhamd, certains frères, ils l'ont appris au fur et à mesure. Ils ont bientôt fini. À réviser. Et les frères qui étaient occupés par un autre matn, dès qu'ils ont fini le matn qu'ils apprennent, enfin, inshallah, ils apprendront. Hada ala kulli hal, la révision. Révision des masa'il et révision du hifd. Les deux. Il y en a pour comprendre kitab tawhid, il faut ces deux choses. Il faut connaître l'adilla par cœur, et apprendre le matn, et comprendre. Un mouahed qui néglige le hifd, peut-être qu'il va comprendre, mais il n'aura pas de délil. Le livre, tu ne l'as pas sous les yeux. Ce livre, tu dois vivre tous les jours avec. C'est du tawhid. Tawhid, c'est dans le cœur. Et c'est des actes, kadhalik, et c'est des paroles. Tu ne peux pas revenir au livre à chaque fois. Fallait apprendre l'adilla et les comprendre. Et c'est a'zam wa anfa' al-abwab. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'ibad. Que pour haqq, هذا العلم علم التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله il a cité des abwab très simples. قال الله قال الرسول. Vous avez remarqué que nadir, c'est très rare qu'il cite une parole à lui à part les titres. Aqiqa, son livre, il ressemble à Sahih al-Bukhari من حيث la façon de faire un bab avec un dalil, c'est comme Sahih al-Bukhari. فعليه رحمة الله. On fait des efforts في هذه الأبواب. Le prochain livre après celui-là, inshallah, ça sera Kashf al-Shubuhat. Et les frères wallahi alhamd, ils l'ont acheté. Normalement le charh de Cheikh al-Fawzan. On l'avait fait à l'époque mais al-Ikhwa, lakin on l'a pas eu le temps de propager. Enfin, si on fait celui-là, inshallah, afdal. Ah, ou si on fait un autre charh, l'amr, c'est l'essentiel, faire ce livre. Les ma'alal, il y a un akash fait shubuhat, après avoir compris hadil abwab ou tawhid, ahlou, al-bida' ou shirk, ils ont des shubuhat fi hada. Beaucoup de shubuhat fi tawhid. Et après avoir compris tawhid, tu dois comprendre leur shubuhat pour pouvoir répondre. Akash fait shubuhat, Cheikh al-Islam, il l'a écrit après Kitab Tawhid. Kitab Tawhid, c'est un de ses premiers livres. Il a écrit, il était très très jeune, rahmatullah alayhi. Là, chacun la kash shubuhat, il l'a écrit après. Enfin, kash shubuhat, ça, c'est un détail des shubuhat, les ambiguïtés qu'ils ont fait tawhid. Mathalan, parmi les ambiguïtés, mais on les prend comme pour shafa'a. On les adore pas. On sait que c'est Allah qui a tout créé, lakin, c'est mimbab shafa'a, c'est un intermédiaire, faqat. Et Cheikh al-Islam, walillahi alhamd, il a répondu avec un kalam qawi. Inch'Allah, après avoir fini Hala, dans quelques jours, on commencera Kashf al-Shubuhat. Hayyakum Allah.